de se dire oh putain la vache. Faut s'y remettre. Ouais. C'est pas évident, ça c'est un peu le comment on appelle ça, le. Je sais pas comment dire. Ah, tu vas couper la chaudière. Donc il n'y a plus d'eau chaude dans cette maison. C'est très bien. Il ouais, y a des réserves. Ah, c'est vrai, toujours. C'est vrai ce que tu dis, il y a une espèce de cuve. du coup, bon, on y va ? C'est parti. Ok. Eh ben, donc voici la saison 2, le premier épisode de Road to Hellfest. Alors, tout d'abord, on va commencer par des petites excuses, hein, parce que, alors oui, pour vous, ça ne change rien. Mais en fait, nous, on avait vachement prévu de revenir plus tôt. Tout à fait. De revenir avec un style d'émission un peu différent, un peu plus road to metal, où on aurait parlé de plein de trucs, autre chose que juste du Hellfest. Et en fait, principalement à cause de moi, ça ne s'est pas fait. Donc, bah, Bob, toutes mes excuses. Il n'y a pas de souci, j'accepte tes excuses. Bonsoir à tous. Bonsoir. Salut Joe. Oui, salut Joe qui malheureusement nous a quittés. Suite bah, à la fin de la première saison, il l'avait voilà. Dit, il avait dit j'arrête. Donc, il s'est rasé la barbe. Il s'est rasé la barbe, c'est vrai en plus ce que dit Bob. Donc voilà, donc, c'est notre retour parce que bah, justement le Hellfest est de retour. Donc on s'est dit, bah, pff, après tout, c'est le concept de l'émission. Voilà, donc, tout à fait. Il est temps de s'y mettre et que bah, ça va être une émission un petit peu. Voilà, on se remet dedans. Hein, voilà. Donc faut pas s'attendre à. Faut jamais s'attendre à. Quelque chose de fulgurant. Ah! Les locaux ont changé. Eh, la preuve. Attends, déjà. Oh, ah, mais merde, mais, oui, mais. On sert à rien, putain. Ouais, ah, on a bien fait que. À ce retour, finalement. Enfin, j'espère. Ah, un gros point. En fait, l'idée, c'est comme dans toute chose, il faut se remettre un petit peu dedans pour après que ça s'enchaîne et tout ça. Donc, on va y aller. Pianissimo. Voilà, piano. Hein, piano, tout simplement. Ou synthé. Ouais. C'est pas mal aussi. Oui, donc on va commencer par la base de la base. As-tu passé de bonnes vacances, Bob ? Mais ouais, pas que. C'est pas vrai. T'as pas du tout passé des bonnes vacances. Si, bah si, j'ai scié des arbres, enfin j'ai tronçonné des arbres. C'est vrai. J'ai étalé du gravier. C'est un petit peu ton côté bûcheron. Exact. Parce que toi, t'es un peu viking à la base. Mais ouais, T'es stoner viking. C'est ça. C'est un bon mélange. Très bien. C'est un concept que j'essaye de lancer. D'accord, bah c'est plutôt un bon truc. Ouais, un viking de Californie. D'accord, très bien. Très bonne intro. Je tronçonne des cactus. voilà, donc on a un programme plutôt court. Et donc une émission plutôt courte. Voilà, ce qui arrange un petit peu tout le monde. Hein, je pense. On est froid. On est tellement froid. Et on avait tellement d'envie. Faut pas, vous vous rendez pas compte parce que vous n'êtes pas dans le lore de Road to Hellfest. On avait tellement prévu de trucs et que bah pouf. Et que ça s'est pas fait en fait hein. Non, mais principalement vraiment à cause de moi. Après rien ne dit que ça ne se fera pas. Par exemple là on n'a même pas décidé de quand serait la prochaine émission. On s'est juste dit allez faut y aller. Et on s'est dit qu'il fallait y aller parce qu'en fait bah des trailers ont commencé à surgir du côté de chez Hellfest Productions afin de teaser justement cette nouvelle édition, la 13e, sobrement intitulé You Can Control It. Exact. Ce que déjà quand même un petit peu prétentieux de leur part, parce que, excusez-moi de vous le dire, mais s'il y a bien quelque chose qu'on peut contrôler... je sais pas où je vais. je pensais que ça allait venir, mais non. Ouais, non, moi aussi je dis, ouais, allez, je vais faire le... Mais je vois pas comment contrôler un festival ou quoi. voilà. Et puis, je vais pas non plus essayer de contrôler 60 000 pèlerins, donc, parce qu'ils sont en colère pour de la musique qui est en colère... D'ailleurs, en parlant de musique en colère, on va faire une petite aparté parce que on a vu un concert ce week-end qui était très sympa. Voilà, c'était l'aparté. Non, peut-être peux-tu en parler un peu, Bob, parce que voilà, on va cette année peut-être qu'on va essayer de se dévoiler un peu plus. Donc on est situé dans la Manche, voilà. Donc on a vu un concert à la salle du Normandie à Saint-Lô. À savoir en première partie Edge Charger et en deuxième partie Ultra Putain de Vomit. Voilà, tout à fait. Que nous avons d'ailleurs eu la chance aussi de voir l'année dernière au Hellfest. Enfin, cette année d'ailleurs, pour l'année dernière, enfin la précédente édition. Et alors faisons un petit retour rapide. Pour ma part, j'ai trouvé la prestation d'Edge Charger très très bien. C'est un groupe que j'aime bien, ce sont des amis. Forcément. Bref, j'ai trouvé vraiment très très bien. Mais alors, leur dernier album est superbement bien. Donc, superbement bien, tiens. Ouais, ça fait un peu lèche-cul, ça, je trouve. Bon, je recommence. Non, il est très bien. Très très bon. C'est un bon scud. Ouais, c'est ça. Qui tourne dans ma voiture depuis la sortie du scud. Voilà. Et pour la prestation d'Ultra Vomit, j'ai vraiment préféré à ce que j'ai vu au Hellfest. Tout simplement parce que ça se prête mieux à une salle qu'à une main stage, je passe. Et qu'en plus, parce qu'ils devaient être morts de trouille. Et peut-être que sans que je m'en rende compte à l'époque, je m'en suis plus rendu compte là, tellement ils étaient méga détendus et méga cool. Quoi. Donc. Voilà, pour ma part, c'était une super soirée. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Bob. Pour ma part aussi, ouais. Ouais, je savais. Vas-y quand même. Non, très bien, ouais. C'est vrai qu'après, c'est vrai que ce genre de groupe se prête plus facilement à une salle, plus intimiste, donc forcément. Et ouais, la prestation d'Ultra Vomit, parce que Head Charger, malheureusement, j'ai loupé le début, arrivé un peu. Flirt, exactement. C'est ce qu'on... Ouais, non, Ultra Vomit, très bien, très très bien. Tout à fait ce que je m'attendais. Hein. C'est exactement ça. Quoi. C'est vrai, c'est vrai. Bien décontracté sur scène et une prestation avec de la drôlerie. C'est vrai qu'il y avait quelques drôleries. Hein. Je me souviens qu'on a pouffé. Voilà. Je veux dire, on était un peu sur une base de pouffage. Du coup, ça fait plaisir de retrouver des concerts comme ça, qui sont quand même assez rares dans la région en tout cas, et que ça donne envie presque même d'aller ailleurs pour en voir d'autres tellement... Ouais. Tellement on passe de bons moments parce qu'on... Alors, c'est vrai que ça paraît un peu peut-être... je sais pas si on a des auditeurs parisiens qui, eux, ont accès à tous les concerts métal ou voire des auditeurs bretons qui ont aussi quand même une belle scène par chez eux. Mais c'est vrai qu'ici, c'est assez pauvre. C'est tellement pauvre qu'on en est réduit à aller voir Machine Head à Rouen. Voilà. Donc... On n'est pas très loin non plus. Non, mais bon, ça fait quand même 2 heures de route. Et que bon. D'ailleurs, petite parenthèse dans la parenthèse pour dire que j'ai vraiment adoré le communiqué de Machine Head au sujet de leur prochaine tournée à venir, à savoir, on ne prend pas de première partie parce que nous, on joue 2h30, 3h. Ouais, voilà. C'est on tout. Sait à quoi s'attendre. Voilà, et ça fait plaisir. J'ai lu un truc aussi sur internet qui disait que quelqu'un les ayant vus à Bordeaux a dit que le lendemain ils n'ont pas pu faire leur concert prévu tellement ils étaient sur les rotules. Quoi. Tu m'étonnes. Voilà, donc c'est stylé. Donc voilà, petite parenthèse terminée. Head Charger, super groupe. Ultra Vomit, super groupe. Qui vraiment montre en live que c'est pas juste des petits plaisantins qui font des blagues. Ils sont capables d'assurer. Voilà, aussi, hein. Très très bons zikos. Avec des blagues vraiment de merde mais qui marchent en fait. Ça fonctionne bien dans le truc. Donc revenons à cette nouvelle édition You Can Control It du Hellfest 13e. Donc nous sommes là le mercredi 11 octobre. Isaac. Il est 19h07 et Bob va manger des crêpes. Voilà. Bah ouais. Tout est dit. Hey, j'ai dit c'est. C'est mercredi. Et c'est... le mercredi c'est crêpes. Voilà. J'ai dit, cette année on balance sur nous, machin, tac. Voilà. On se donne, on se confie, on a plus de Joe comme barrière. Voilà. C'est donc je me laisse pousser la barbe. C'est vrai, il se laisse pousser la barbe pour essayer de prendre la place du barbu. Un peu. Pardon. Compenser hein, cette absence. C'est vrai. De barbe. Tu nous manques, Joe, tu nous manques. D'ailleurs, au passage, alors, du coup, l'édition n'ayant pas encore été totalement lancée, on peut encore parler du groupe en disant son nom ou pas ? Le groupe dont on ne prononce pas le nom. Ah oui ? Oui, on peut ou pas ? Je sais pas ce que je. On peut éventuellement. Oui, tu veux dire dans les pronostics ou... Non. Non, je voulais en fait dire parce que justement, je voulais parler de Joe, parce qu'il, malgré son absence. Ah oui, tout à fait. M'a accompagné voir Metallica à Bercy au mois de septembre. Et il n'avait jamais vu Metallica sur scène et il n'écoutait pas à fond Metallica. Depuis, il est méga fan, il n'arrête pas d'écouter toute la journée et vraiment, il adore. Mais en même temps, il faut reconnaître, voilà, ça sera mon petit... c'est vrai que j'ai vu un super concert ce week-end, mais le concert de Metallica que j'ai vu il y a un mois, était vraiment une tuerie parce que, franchement, les grands groupes qui existent encore, ils n'ont plus rien à prouver, mais si on devait faire un comparatif, parce qu'on a vu System of a Down, tu étais là aussi, Bob, quand on l'a vu à Arras, on a vu un groupe, je ne dis pas qu'ils n'ont pas envie d'être là, ils ont passé un bon moment, mais en fait, il n'y avait pas d'interaction. Ils sont venus, ils ont joué tous les morceaux qu'ils ont pu pendant l'heure et demie où ils étaient là. Une vingtaine. Mais ce que j'ai vu avec Metallica, c'était un groupe qui s'éclate sur scène, qui était content d'être là, qui était vraiment heureux. Heureux de faire ce qu'il faisait comme un jeune groupe. Comme et Ulysse. Voilà. Parce que Ulysse était dans la salle. Et donc, c'était vraiment un très, très bon concert de Metallica. Le meilleur que j'ai vu d'ailleurs. Et depuis, bah, Joe est devenu fan de Metallica. Et je suppose que là où il est, là où tu reposes en paix, mec, tu regrettes de nous avoir quittés. Voilà pour cette parenthèse dans la parenthèse dans la parenthèse. Donc, recentrons-nous un petit peu. Voilà, jusqu'à la prochaine. Voilà, qui devrait pas tarder à arriver. Avant la fin de cette bière, je suppose. Oui, donc, nous sommes le mercredi 11 et donc vendredi, dit vendredi 13, c'est le jour que le festival a décidé pour mettre en vente ses billets. D'ailleurs, à ce propos, on n'en a pas reparlé avec Bog, mais avec Bob, parce que Bog, c'est quelqu'un d'autre. Oui. Cette année, en tout cas dans le podcast, on ne vous dira pas si on va au festival ou pas. Mais pour ma part, je pense que vous n'en avez rien à branler. Ouais, mais en même temps, imagine le truc de parler d'un festival auquel tu ne vas pas pendant... Ouais, donc pendant voilà. Mais ce sera la voilà, on ne sait pas. On ne sait pas. Suite à ce qu'on a dit l'année dernière, on préfère ne pas encore dire si on se rendra ou pas. Donc, on en parlera comme des journalistes que nous sommes pas du tout. Et donc, d'un point de vue détaché, en essayant de voir les bons côtés, les mauvais côtés, tout comme en essayant d'avoir plus de témoignages d'autres gens aussi. On essaiera d'avoir des invités. Alors, je ne sais pas si on les aura ici, parce qu'il y a quand même un problème de chaudière apparent. Non, je vais le couper. Oui, là, mais qu'il pourrait y avoir et que... Peut-être un problème de place, éventuellement. Tout est relatif. Voilà. Donc, bref, revenons. Alors, la mise en vente des billets, c'est vendredi 13. Alors, est-ce que... Fin de matinée. Comme l'année dernière. Ouais. Donc, je suppose que ça va partir comme... Peut-être plus vite que l'année dernière. Ou pas, je ne sais pas. Bah, écoute, il y a quand même un très bon retour sur cette édition. Moi, j'ai entendu que des retours positifs. Les seuls retours négatifs... Sur 2017 ouais. Les seuls retours négatifs, c'était toi. Mais nous allons y revenir. C'est justifié. Mais j'ai pas dit de... le début de communication a commencé par un trailer qui a commencé. Le premier trailer a commencé à montrer une famille. Le premier trailer a commencé à montrer différentes pièces d'une maison vide avec le chiffre 13. Qui apparaît une fois sur la porte. Est-ce qu'on entend ? Je crois qu'on entend le bébé pleurer, c'est ça ? Je crois, oui, ouais. Dans le premier. Et on voit une poussette avec comment s'appelle le truc qui tourne ? Un mobile ! Avec un mobile fait avec le H de Hellfest et un chiffre 13 en romain sur le mur. Et donc le bébé qui pleure. Et il y a eu un dernier trailer, je suppose pour le moment. Pour le moment, jusqu'à aujourd'hui. Où on voyait justement les membres... potentiel d'une famille, un père de famille dans sa cuisine, une mère dans sa chambre, un tonton dans le garage qui faisait de la mécanique, et une pseudo-adolescente dans sa chambre, et ils sont tous attirés par le bruit du bébé issu de la poussette, ils se dirigent vers la poussette, et la poussette éclaire leur visage en fait, et voilà, you can control it, donc peut-être que c'est l'image de l'enfant qui va grandir, j'essaye une interprétation. Le Hellfest, c'est le bébé. C'est un festival qui existe déjà, mais qui a encore des choses à montrer, qui veut le montrer. Et donc, on ne peut pas le contrôler. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on croit, on va peut-être être hyper surpris par cette édition. Je piffe des trucs complètement. Mais c'est fort possible. Et donc, tu me disais, Bob, avant l'enregistrement, que toi, tu as entendu une interview d'une personne. Le responsable de communication. D'accord. Sur RTL2, pour ne pas la citer. Collègues. Tu viens de le faire. Oui, des collègues, des amis. Voilà, des amis. Oui, donc il disait que justement cette année on sera très surpris et que le festival sera vraiment dans l'idée justement de ces trailers quoi et qu'ils vont faire des vidéos jusqu'au mois de juin. Qui seront diffusés sur écran géant lors du festival. Cool. Donc voilà. Cool. C'est une bonne chose. Plutôt, ouais. Surtout que ces trailers fonctionnent plutôt bien. J'avais vu le côté plus vendredi 13 fonctionne bien, le côté espèce de tueur en série, tout ça. Je trouve que les trailers sont plutôt bien faits. Bon, en général, ils sont souvent très bien faits de ce côté-là. Ouais. Mais c'est vrai que s'ils font un truc sur l'année, ça peut être très sympa et d'avoir un truc... Pourquoi pas une espèce de truc qui diffuse à la fin de l'année, au mois de juin, ça peut être une très très bonne chose. Donc du coup, le trailer, c'est vu. Alors, les passes sont en vente donc vendredi. Donc peut-être qu'on va en acheter, peut-être qu'on va pas en acheter. en étant le plus honnête possible, on peut vous dire, c'est qu'on devait en discuter aujourd'hui, donc techniquement, on ne sait pas. On ne sait pas, en fait, là, même l'un pour l'autre. Donc on est vraiment dans... Oui, parce qu'on n'en a pas discuté. On n'en a pas discuté. Parce que oui, donc comme l'a dit Bob tout à l'heure, en fait, on a changé de studio d'enregistrement. À savoir que l'année dernière, le studio d'enregistrement était mon salon. Et que cette année, pour l'instant, on est dans un garage. Une pièce. Une pièce au fond du garage, à côté de la chaudière. Rassurez-vous, il fait chaud. Il fait très très bien. Et je peux vous dire une chose, ici non plus, you can control it. Voilà. Donc, est-ce que tu veux revenir sur ton... sur ce que tu voulais dire, toi, ou j'enchaîne avec l'interview de Bern dans le Rock Hard du mois de septembre. Vas-y, passe. Ah, parce qu'en fait, tu me fais un signe de la main, mais les gens, s'il y a des gens qui écoutent, ils ne le voient pas. Non, c'est pour ça que j'accompagne en fait mon signe de la main de passe vas-y, à l'interview. Donc, il y a eu une interview de Ben Barbo, pardon, le président dans Rock Hard de septembre 2017, qui revient un petit peu sur le... l'édition 2017, les plus, les moins, à savoir les moins principalement le soleil et la canicule, le manque d'eau. Petit fait intéressant, il faut savoir que malgré la chaleur, il y a eu quand même 15% d'augmentation de consommation de bière. Ils sont passés de 300 000 litres à 350 000 litres. Voilà, c'est très intéressant. Très bonne nouvelle. À savoir aussi qu'il y a eu le problème cette année du phénomène des pickpockets principalement. Parce que l'année dernière, ils avaient réussi à choper des gars issus d'un réseau de l'Est, mais cette année, ils, comme le dit Ben, les mecs arrivent, prennent un billet, mettent un t-shirt ACDC, et puis après, bah, ils... voilà. Ça, c'est le problème. Il explique rapidement comment ce qu'ils ont aménagé, qu'on a déjà évoqué plein de fois, les écrans géants des main stage, la place devant les main stage, le nouveau VIP room, l'accès beaucoup plus rapide sous la cathédrale. Rien de bien très nouveau dans cette interview. Comparé à la grosse interview qu'il y avait eu dans Radio Metal, je crois, de cette année, pas beaucoup de choses de nouvelles, en fait, tout est pareil. Il continue de cracher un petit peu sur Live Nation d'une manière, en disant, voilà, enfin, quand je dis cracher, c'est pas le bon terme. En gros, il est vraiment pour lui... Postillonne. Hein ? Postillonne. Steven. Il postillonne. Ah, il postillonne, oui. Voilà, oh, parfait. C'est parce qu'en fait, tu mets ta main devant ta bouche. Non, parce que quand je parle, en fait, je fais des gestes. Je viens du Sud. Aussi, également, voilà. Très très bien. J'étais en train de chercher qui chantait ça, et quand je me suis rappelé que c'était Shimon Badi, je me suis dit que j'allais pas le dire. Oh putain, là. Ouais, je sais non, bien. Je plus Michel Delpech, moi, mais ça n'a rien à voir. Ah oui, mais non, pourquoi Michel Delpech? Mais je sais pas, on dirait le Sud, voilà. C'est voilà, ça. On dirait le Sud, donc c'est pas du tout Michel Delpech. Non, on est d'accord. Non, c'est... Voilà, voilà. Donc non, juste, ils postillonnent sur le... encore une fois sur la Venetian pour juste bien préciser que pour eux, ils font pas le même métier. Voilà, il revient sur la possibilité venue d'un Metallica, voilà, il dit que ça sera pas pour l'année 2018, mais il dit qu'un jour pourquoi pas, bref. C'est une interview intéressante si on n'a pas lu d'autres interviews, sinon il n'y a pas de... C'est encore un peu tôt pour avoir une interview, je pense, sur peut-être un bilan sur l'édition à venir, parce que sinon il n'y a pas grand-chose de... Voilà, par exemple, il explique qu'en termes de... Il ne sait pas si la chaleur, par exemple, a causé beaucoup plus de visites vers les points de sécurité, mais il sait juste qu'il y a eu 18 évacuations au CHU. Si on compte le nombre de festivaliers, 18, c'est quand même relativement que dalle, quoi. Alors, si on peut faire une moyenne, une calculatrice... J'en ai une, mais ça va me fatiguer. Ouais, non. Voilà, donc, comme encore une fois aussi, il dit encore qu'il est prêt à laisser le Hellfest quand il sera lassé, qu'il se rend compte du début quand il a lui-même collé les affiches, mais que voilà... qu'il a appris aussi aujourd'hui à être le porte-parole du festival parce que c'était son boulot et que... Et que c'est son bébé. Hein. Voilà. Mais c'est un truc qu'il avait pas envie de faire, quoi. Comme il dit à un moment donné, si on lui dit « Ouais, si on m'avait dit que je devrais discuter avec des machins pendant des heures à l'époque, j'aurais dit « Bah non, ça me saoule, c'est pas intéressant. » Mais bon, voilà, aujourd'hui, il a compris. Il sait que ça fait partie du truc et il le fait. C'est l'âge aussi, hein, qui veut ça. C'est ça. Il a mûri. C'est exactement ça. Mais c'est pour ça qu'il dit que le jour où ça va le saouler, il laissera le truc et il partira. Mmh. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin de... Je pense qu'en fait, ce qu'il dit depuis le début, un festival fait par les fans pour les fans, pas pour les vannes. Un festival fait par pour les fans, fait par les vannes. Ça serait marrant. Ouais. Non, mais je pense que le festival pour les fans, fait par les fans, ça reste toujours d'actualité malgré ce qu'on a pu entendre, voir à droite, à gauche. De manière, il faut bien que insatisfaire des gens. Et ouais, je crée des mots. On peut pas plaire à tout le monde. Exactement. Le seul petit truc qu'il dit sur l'édition 2018, Il a deux offres qui sont parties pour des têtes d'affiche. Voilà. Et il resserre les deadlines par rapport à une certaine époque, histoire d'éviter tout problème de dernière minute. Voilà. C'est un peu tout ce qu'il a. Pour lui, par contre, ce qu'il a, le petit point intéressant qu'il dit, et qui peut concerner, j'aurais pas dû boire avant de commencer ce truc-là, c'est que pour lui, en fait, la vraie tête d'affiche du festival, c'est le festivalier. Voilà. Et que c'est à eux de contenter en premier parce que c'est eux qui payent. Voilà. C'est grâce au festivalier que les groupes viennent aussi, du coup. Donc c'est une espèce de cercle vertueux. Mais voilà. On n'a rien sans rien. Voilà. Donc c'est une interview. Voilà. De deux pages. Que je vous conseille de lire si vous avez envie. Exactement. Je peux pas dire mieux. Voilà. Tout à fait. Donc du coup, comme j'ai beaucoup parlé et que je me sens affaissé, je vais boire un coup. C'est ça. Et pendant que je bois un coup, je pense que tu as. Alors, recontextualisons la scène. Le dernier épisode, c'est un peu terminé sur une fausse note du fait d'un. C'était tout frais. Voilà. Pour ma part. Voilà. Et donc quelque part, tu t'es senti. Comment décrirais-tu la chose? Je me suis senti... Comment je me suis senti? Non, mais suite à ce dernier épisode de podcast, t'as eu l'impression que ce que t'avais dit... Ne justifiait pas mes pensées, en fait, réellement. Voilà. Ce que je pensais. Donc, en fait, voilà. C'est vrai que mes mots ont... Je vais pas dire dépassé mes pensées, mais... J'ai été un petit peu, on va dire, frustré. Virulent, t'as été virulent, là la vérité. Tu t'es enflammé. Ne sois pas non plus. Pardon, excuse-moi, j'ai voulu... Inflame... Mais Joe n'est pas là. Salut Joe. Salut Joe. Et dans notre cœur. Non. Donc oui, en fait, j'ai pas tout dit non plus aussi par rapport à ça. J'ai dit forcément ce que je pensais de l'édition 2017 qui m'a forcément un peu laissé pantois par rapport à des choses. Mais en fait, derrière tout ça, il y a quand même forcément ce remerciement qui est aussi... Et justifié, c'est que jamais j'aurais pu voir les groupes que j'ai vus s'il n'y avait pas eu le Hellfest. C'est pas faux. Dans le même week-end en plus. Dans le même week-end, mais depuis toutes ces éditions en fait. Peux remercier le Hellfest et tous les. Est-ce que tu remercies Ben? Bien sûr. Bien sûr, je remercie tous les membres du. Voilà, tous les membres du Fest. Hein, tout le monde, hein, vraiment. Parce qu'il y a. Si, non, mais. C'est pas pour faire le lèche-cul. Non, mais ça fait vraiment tout le monde. Alors, Michel. Je remercie Michel. Il y avait Robert. Il y avait aussi. Robert qui était là. Bob. Il y avait Bob. Voilà, Robert. Voilà. Et comment c'était Vanessa. Il y avait Vanessa. Elle était là. Ouais. Et Antoine, non, c'est ça? Non, Anthony. Romain. Romain. Je remercie Romain aussi. Qui était très sympa. C'est vrai. Mais non, voilà. Mais après, c'est vrai que pour ça. Voilà, le Hellfest reste quand même une grosse part de moi-même, et merci pour ça, c'est très cool. Et j'ai été un peu virulent, comme tu as dit, mais attends, plus ou moins justifié. Quelque part, Road to Hellfest, c'est la liberté d'expression, hein. On n'a pas décidé de faire un podcast sur Hellfest pour encenser le Hellfest, on a décidé parce qu'on aimait bien le festival et qu'on avait envie d'en parler. Voilà, mais j'ai eu l'impression un petit peu... pas de cracher dessus, mais d'être un peu trop... En fait, il y a beaucoup de choses qui t'ont... J'ai pas réécouté le podcast. Qui t'ont saoulé sur le moment, et que peut-être que tu as moins pris compte en fait, de la globalité de cette édition. Oui. Comme je te disais avant enregistrement, elle a été vraiment extrêmement appréciée, cette édition, pour plein de raisons, mais elle a été extrêmement appréciée. Et je comprends, d'un autre point de vue... Ce que toi, tu avais l'air de dire sur le côté les débuts que tu as connus et aujourd'hui qui n'est pas pareil. Et même Joe avait l'impression de dire qu'il aurait aimé connaître cette période-là. Après, est-ce qu'aujourd'hui, en termes d'édition qu'on a eue, est-ce qu'on doit la juger comme telle, comme édition en soi, ou comme édition par rapport à toutes les autres? Parce que dans ce cas-là, il faut tenir compte de tout ce que ça a changé, de tous les investissements qu'il y a eu et toutes les différences. Moi, j'aurais tendance à dire que, aujourd'hui en tout cas, l'édition 2017 était quelque part peut-être mieux que la 2016. Parce que la 2016 a souffert de nombreux problèmes qui ont été résolus, je trouve, en 2017, justement. Il y avait des problèmes en main stage. Étonnamment, tous les trucs auxquels je ne croyais pas forcément, Par exemple, le fait, moi, je suis pas fan des concerts en main stage, mais c'est vrai qu'en 2016, on avait beaucoup de mal à voir les trucs, alors que cette année, c'était pas le cas. L'attente qu'on avait sous la cathédrale, cette année, c'était pas le cas. Est-ce que ça change le fait d'aimer les concerts en main stage? Bah non. Mais ça, c'est moi après. Donc, c'est, tu vois, le truc, il est là. Est-ce que c'était une bonne édition quand tu réfléchis deux secondes en disant tous les concerts qu'il y a eu, comment c'était, ce que toi t'as vécu, ou ce que toi t'aimerais vivre? Ouais. Moi, c'est en fait, c'est plus là où je me dis que bah moi, il y a des trucs qui m'ont pas plu, mais je pense que c'est vraiment plus moi que le problème de l'édition. Bah après, c'est vrai que c'est au détail, quoi. C'est vrai qu'on en a parlé, je sais pas si on en avait parlé dans le dernier podcast, mais comme pas si on va citer Alstorm. Oui. La scène était trop petite pour le groupe. C'est ça. Ça, c'est vrai. Et du coup, ça a vraiment merdé, quoi, à ce niveau-là. C'est que c'était un bordel monstre. Il y avait une demi-scène à l'extérieur de la tente, quoi. C'est clair. Enfin, une demi-fosse à l'extérieur de la tente. On en avait parlé, ouais, de ça. Et c'est vrai que pour ça, bon, bah voilà, après, il faut peut-être essayer de voir les groupes qui sont bons pour la main stage et d'autres pas. Comme ils avaient un petit peu foiré leur coup sur Red Fang. Ouais. Tu vois, du coup, Alstorm peut-être était un petit peu plus main stage que. Que s'ils étaient passés sur la. C'était pas la Temple. Si, c'était Temple, c'était pas Altar. Donc voilà. Donc à revoir. Ce genre de choses, quoi. Peut-être. Mais après, non, c'est vrai que. Bah, toi, t'avais un problème aussi avec le public qui a changé, quoi. Bah, le public, ouais. C'est vrai que depuis que j'ai appris, quoi. Voilà, c'était ma, si je me trompe pas, 7e édition du Fest. Et donc, ouais, c'est. Pendant le Fury aussi derrière, donc 8e du coup. Ouais, j'ai vu le changement et c'est ça qui m'a vraiment fait mal à mon petit cœur, quoi, tout simplement. Quoi. Non, mais ça, je peux le comprendre, et en même temps, quelque part, alors je vais le dire d'une manière un peu bête, mais je fais aussi partie de ce changement vu que je suis arrivé sur la fin. Donc, vu que j'ai commencé sur la 10e édition, je peux pas vraiment dire. Et pourtant c'est pas lié à l'édition parce que j'aurais pu venir avant en fait, donc c'est pas forcément lié à ça, mais ouais, nombre de fois où je te l'ai dit, tu viens, oui, mais bon, je pense qu'il faut venir au bon moment et je suis venu au bon moment. Pas forcément, détrompe-toi. Non, mais il faut bien que je me trouve une excuse. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais par exemple, regarde Joe qui est pas métalleux à la base, il a adoré et il a envie de revenir l'année prochaine. Donc, ouais. Ouais, vraiment. D'accord. Donc, mais il n'est pas métalleux, tu vois, et je trouve qu'il ne rentre pas justement dans les cases que tu aurais dit. Pourtant, en tant que festivalier, tu ne t'as pas dérangé, il n'était pas chiant. Non, pas du tout, mais c'est pour ça en fait que oui, j'ai. En fait, je pense que. Je suis emporté forcément sur ce côté-là, parce que je connais quasiment. Bah, depuis le début, vraiment, enfin, quasiment. Depuis le début. Non, mais tu es la voix du peuple, hein, parce que j'ai entendu beaucoup de gens se plaindre de ça aussi, donc je comprends. Je sais. Et je pense que tu as eu raison de le dire. Le problème, c'est que, en fait, je dirais que le vrai problème, c'est pas ton avis, c'est qu'on a mal géré ça dans le podcast, moi, je dirais. Parce qu'il a pu laisser un goût d'amertume. Donc, pour moi, comme pour. Pour les 4 gens qui ont écouté. Voilà. Très, très bien. Non, 2250. Arrête. Les chiffres ne comptent pas. En tout cas. Toi, d'accord. Donc, tu fais ça. Pour nous, en fait. Oui. C'est cool. Je suis comme ça, moi. Salut. Non, je vais pas abuser. Du coup, t'avais quelque chose à ajouter là-dessus ou pas? Non, bah voilà, mea culpa pour ce que j'ai pu dire de trop virulent. Je ne pense pas, en fait, à la base, vraiment, parce que merci le Hellfest, tout simplement, pour toutes ces belles années, et peut-être ces années à venir. Moi, je remercie personne, vous pouvez tous crever, j'en ai un bourré. C'est connard, c'est différent. Ah, merci. Pauvre connard. Du coup, maintenant que c'est dit, donc l'année prochaine, tu y vas? Je ne sais pas. Je suis en pourparlers avec moi-même. J'ai essayé de le piéger. Ah, damned. Très bien. Bon, écoute, on a fait donc le tour de ce que tu avais. On verra vendredi. Tout à fait. Alors, on avait envie de parler d'autres choses aussi un peu dans cette nouvelle saison. Donc, vraiment, vraiment, faut. Prenez conscience qu'on n'a rien préparé, donc on ne sait pas du tout comment. En fait, les trucs qu'on aurait voulu faire demandent de la préparation. Donc, comme on ne l'a pas fait, bah, y a peu de chances que ça arrive quand même. Du coup, par contre, Bob tenait à parler d'un truc qu'il a décidé de nommer lui-même le top 5 de Bobby. Mais qu'on gardera pour la fin de l'émission. Du coup, ça va être le top 4. Mais en plus, ça va être un top 4 avec un doublé à l'intérieur. D'accord. Mais ça, on va le garder pour la fin. En attendant, j'avais envie de parler un petit peu des quelques sorties d'albums qu'il y a eu. Alors, on va faire un truc assez rapide et concis parce qu'on va pas... C'est pas encore sous forme de chronique. Cette petite bière qui remonte, désolé. Ça va pas être sous forme de chronique parce que vraiment, on n'a pas du tout décidé. Peut-être que ça sera pour une prochaine, genre, parce qu'il y a des groupes quand même qu'on a envie de parler en détail, dont des sorties de CD que j'attendais et que maintenant ils sont sortis, on va pouvoir en parler. Mais on va envie de parler de quelques sorties. Après, j'ai commencé à parler des meilleures ventes de ces CD parce qu'il faut bien remplir l'émission. Ouais, puis ça se rapproche un petit peu de ce qu'on voulait faire aussi entre deux. Quoi. On voulait en fait beaucoup plus parler de la musique et des groupes et pourquoi pas justement faire des... peut-être l'histoire de certains genres de musique et pour que ça soit beaucoup plus... en fait, on voulait, d'une certaine manière, ce qu'on voulait, c'est de donner une bonne base à ceux qui ne connaissent pas bien ou qui ne connaissent pas assez pour justement être plus à l'aise dans, quand on évoque un groupe, en disant en fait, tel groupe de grindcore, mais le grindcore, qu'est-ce que c'est, machin, et que c'est aussi une manière pour nous de nous améliorer dans le sujet qu'on aborde tout le temps, pour en savoir un peu plus, parce que mine de rien, jamais on aura autant écouté de musique avec ce podcast, parce qu'on a écouté beaucoup de groupes et on a essayé d'amener un retour sur ces différents groupes, et on avait justement donc envie de partager d'une autre manière pour aller un peu plus loin dans que juste le Hellfest, ce qui est à mon avis somme toute logique et normal. Tu commences avec une thématique de base et puis après tu t'éloignes pour aller un petit peu plus loin. Voilà. Donc voilà. Donc pas trop loin non plus. Non voilà. Après, donc on va essayer de parler des dernières sorties et voir si ça intéresse l'un ou l'autre. Alors encore une fois, c'est très concis. Hein. J'ai chopé des sorties dans les plus grosses sorties. J'ai pas été voir les trucs de black metaleux de ouf ni de death metal et tout ça, j'ai fait des grosses sorties, on va dire plus mainstream. Et du coup, bah voilà. Florent Pagny, tout ça. Voilà, alors Florent Pagny a ressorti un album. le 25 août, il y a Dagobah qui a ressorti son 5 ou 6e album. Le premier album depuis le départ, plus ou moins forcé de Frank Costanza et du guitariste. Désolé, j'ai pas le nom. Donc Black Nova. Dagobah est quand même un des meilleurs représentants français. Sachant qu'il tourne beaucoup et puis que le groupe est quand même assez populaire. Bob, toi, une attente, une envie, que dalle ? Dagobah, non. T'aimes pas ? Je connais pas assez en fait. D'accord, mais ouais. Justement, du coup, t'aimerais un peu plus connaître ou... Oui, pourquoi pas. Ouais, mais après, c'est vrai que je prends pas le temps d'écouter trop, mais il faudrait que j'arrive vraiment à... Toi, pour l'instant, je suis plus dans l'achat, moi, de CD. Je sais, ouais. Mais ta référence française, pour l'instant, ça serait Gojira, toi. En vraiment gros groupe. Ouais, en vraiment gros groupe, ouais. Et du coup, t'avais acheté le dernier Magma ? Magma, non. J'ai eu l'occasion de l'écouter plusieurs fois, forcément, hein, sur les... différents... Oui. Spotify, Deezer, machin. Ouais. Mais non, j'ai pas acheté encore. T'as bien aimé ? J'ai bien aimé, ouais. Bizarrement, parce que c'est vrai que je reste un grand fervent de Link et du premier, donc ouais. Terra Incognita. Ouais. Après. T'as pas été choqué. Que tous les jours. Ouais, t'as pas été choqué du changement opéré un peu dans Magma, qui est beaucoup moins justement comme leur début et tout ça. Bah, c'est pour ça, mais j'ai bien aimé quand même. Ouais. Moi, j'ai trouvé que justement, ils avaient réussi à amener quelque chose, alors peut-être de plus mainstream, entre parenthèses, parce que ça reste quand même. Je pense plus dur à écouter que certains trucs mainstream qu'il peut y avoir dans le métal, mais moi j'ai plutôt bien aimé aussi. Pour en venir à Dagobah, alors c'est un groupe que j'aime bien, de temps en temps en fait. J'ai du mal à écouter un album totalement entier parce qu'au bout d'un moment, ils me perdent un petit peu. Et le peu que j'ai écouté de ce dernier album m'a pas trop branché parce qu'il y a trop de. Peut-être trop d'ajouts électroniques, de machin, et c'est pas trop mon délire. Mais je vais essayer de poursuivre un petit peu l'écoute, parce que c'est quand même, mine de rien, je pense, un groupe qui le mérite. En autre sortie qu'il y a eu cette année, qui est donc un petit EP, qui est sorti le 22 septembre, c'est-à-dire Cold Dark Place de Mastodon. As-tu eu l'occasion de l'écouter en grand fan de Mastodon que tu es? J'ai écouté quelques titres et c'est toujours pareil. Je suis plus dans l'achat de CD, donc du coup, je n'ai pas eu l'occasion de l'acheter. Mm-hmm. Malheureusement, parce que j'ai acheté le dernier. Ce qui m'a un peu étonné, c'est qu'ils sortent deux albums limite coup sur coup. Quoi. Ouais. Donc ça, c'est pour ça que mon compte en banque aussi a été surpris. Ouais. Oh, je ne m'attendais pas à ça, donc, qu'est-ce qui se passe? Et ouais, j'ai écouté un peu. Pour ma part, je trouve que le titre colle bien avec les morceaux que j'ai entendus. Mmh. Et ça reste du Mastodon. Bah, je trouve que justement, contrairement à l'album sorti, parce que là c'est quand même un EP plus qu'un album, ouais. Je trouve que on retourne plus sur du Mastodon, alors que leur album était beaucoup plus. On a déjà eu l'occasion de discuter. Alors, je sais pas si on l'a fait à travers de ce podcast, mais leur album était beaucoup plus facile d'accès justement que Mastodon en général. Et je trouve que le peu que j'ai entendu de l'EP, parce que je l'ai pas totalement entendu, renoue plus avec justement le vrai mastodonte. Les premiers. Je trouve plus. Ouais. Mais je vais essayer d'écouter un peu plus parce que ça m'intéresse. Dans un genre surprise, je m'en suis rendu compte hier soir ou ce matin, Primus a sorti un album le 29 septembre. Putain, j'étais pas au courant. The Desaturing Seven. J'ai jeté une oreille ce matin, vite fait, c'est... Enfin, j'ai écouté l'album, mais j'étais au boulot, donc c'est pas très sérieux. D'écouter au boulot, je parle. Et donc, c'est du Primus, c'est-à-dire que de temps en temps, il y a des... de basse, et ça groove, et ça reste des morceaux un peu... si on n'aime pas Primus, on va pas être perdu, on va pas plus aimer. Et si on aime Primus, on va pas être surpris, on va bien aimer. Je pense pas que c'est l'album qui scotche. Je pense que ça reste un bon album de Primus quand on aime Primus. Je vais te dire ça. Tu vas l'acheter, toi, tu peux venir. Pas forcément. Ah bon? Non, parce qu'ils ont sorti Charlie and the Chocolate Factory. Ouais. Il y a quelques mois de ça, quand même. Peut-être même année. Parce qu'il me semble que c'est le premier depuis longtemps qu'ils n'ont pas sorti. Ouais, ils avaient fait le... Je sais plus le nom, le vert, là, avec le petit personnage là qui fait du vélo. Que j'ai acheté, d'ailleurs. Et qui était un bon album, mais j'avais pas vraiment l'impression de retrouver Primus. Je voyais plus Les Claypool sur ses côtés avec Purple Onion ou il avait fait Highball with the Devil ou des albums comme ça, et je voyais plus du Les Claypool que du Primus, vraiment. Là, de ce que j'ai écouté, j'avais un peu l'impression d'entendre. En fait, c'est con ce que je veux dire, mais j'étais en mode j'attends les trucs de groove qui sont typiques de Primus. Fretless et tout. Dans le monde. J'attendais les trucs qui te disent ah ouais, c'est Primus, c'est vrai. Mais entre deux, t'es pas. Je suis pas emballé par les mélodies, par exemple. Faut vraiment que j'attende le truc particulier. Ouais. Je vais l'écouter et puis je te redirai ça. Avec plaisir. Autre surprise que j'ai découvert tout à l'heure, c'est hyper préparé. Hein. Airborne a sorti le 29 septembre Diamond Cut de B-Side. Là, j'ai rien écouté. Ouais. Ils ont sorti un album en 2016, fin 2016, je crois. Et là, ils ressortent un truc. Ah, mais c'est ça, les mecs, ils sont carrément au taquet. Quoi. Non, ils n'ont pas le temps. Ouais. Ils n'ont pas le temps. D'ailleurs, Airborne est en tournée en France là, en ce moment. Là. Ils étaient hier quelque part. Et je crois que demain, ils seront quelque part. T'es sûr? Ouais. Donc, du coup, j'essaierai de jeter une oreille. J'en ai deux, j'en garderai une pour une prochaine. Mais j'écouterai pour voir. Et toi? Pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas? Il y a tellement de musique. Mais c'est ça. Je ne peux pas tout. Marilyn Manson a sorti un nouvel album. Ah ouais? Il est sorti de l'hôpital ou pas? Je sais pas. Ah. Je pense pas. Heaven Upside Down. Je l'ai écouté aussi vite fait ce matin. Je l'ai écouté, moi, par le biais de l'invité. Numéro 5. Numéro 5. Ouais, c'est pop, hein. Ouais, après... Ça m'a ennuyé profondément, personnellement. Moi, j'ai pas accroché des masses, parce que je suis pas un gros fan de Marilyn Manson. Oui, mais il y avait un peu de guitare saturée à une époque. Oui, tout à fait. Et pas là, hein. Ouais. Et puis, il y avait un truc, il y avait une patte. J'ai entendu un album pop. Je me suis pas arrêté, en fait, sur la musique, en me disant, c'est pas mal, ça. Moi, j'avais l'impression d'écouter une BO d'un truc, en fait. Ah ouais? Mais un truc, mais chiant, quoi. Enfin, ça m'ennuyait. D'accord. À la limite, ce que je préfère, c'est la pochette. Je trouve qu'il a une pure gueule dessus. J'ai pas vu la pochette. J'ai essayé de te la retrouver pendant que tu vas meubler avec Cadavar qui a sorti son nouvel album le 29 septembre. Cadavar, parce que tu es un grand fan de Cadavar, c'est pour ça que je dis ça. Un grand fan, non, mais j'aime bien Cadavar. Ouais, on a acheté les deux premiers albums. Et du coup? Et sympa, franchement. Mais tu vois, c'est toujours la même chose, c'est que je ne prends pas le temps d'écouter. Putain, le mec, il adore la musique, il est fan. Prend pas le temps. Ouais, c'est n'importe quoi. Oui, quatre enfants. Pouh, excusez. Hey, Voilà. Ah oui, effectivement. Et il a une bonne tête. Un peu indien, sale et après-guerre. Ouais, enfin, il a jamais eu un côté propre non plus. Non, ouais, donc Cadavar, t'as pas acheté une oreille? Alors, je me demande si j'ai pas entendu un morceau, enfin écouté un morceau, ou entendu, parce qu'il y a une différence. Mais, c'est vrai. Je crois que j'ai dû entendre un morceau il y a une semaine, je crois. Ouais, et ça t'a plu? Mais ouais, ça m'a plu. Je me dis, tiens, ça c'est Cadavar, parce que forcément le son est assez reconnaissable, bah, la voix du chanteur est assez reconnaissable. Moi, je l'ai trouvé plus ancien encore dans leur style. Ah ouais? Je trouvais que c'était vraiment, on va vers l'ancien, vers le rétro. Côté un peu, bah justement, garage, un peu. Ouais, bah c'était un peu. Moi, j'ai trouvé encore plus là. Ouais. Je suis très marqué sur ça. C'est ça que j'aime bien chez eux. Comme. Puis les mecs ont une gueule. On les a vus l'année dernière. En 2016. Ouais, c'était non, 2016. Très. Bah l'année dernière. Non, 2017. Enfin le. Oui, l'année dernière. Oh la vache, non, bah, oui. Tu joues sur les dates, toi. Bah, je voulais dire en 2016, mais c'était l'année dernière. Tout à fait. Bon. On est d'accord, voilà. On est d'accord. Ouais, cool. Donc, Cadavar, on recommande. Voilà. Tout à fait. Au moins, l'écoute. Cradle of Filth aussi a sorti un album, mais je ne vais pas en parler, c'est juste pour dire. Rien contre Cradle. Ah, moi, je les ai vus en concert, j'ai beaucoup de choses contre Cradle. Ouais. Je ne suis pas fan du tout, mais en fait, je pense qu'ils ont quand même permis un style de... C'est pas noir. Alors, je suis pas forcément sûr du mot épanouissement. C'est vrai que black metal et épanouissement. Bah voilà, c'est pour ça en fait. C'est dur de les mettre dans le même. C'est ça, ouais. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans et principalement pour l'imagerie que Danny Filth a apporté au truc. Mais bon, voilà. Moi, je suis pas. C'est pas forcément ma cam. J'essaierai peut-être d'y jeter une oreille. Ah merde, il me reste plus qu'une. Bah non, bah je la garde. Faut éviter. Arch Enemy a sorti son nouvel album le 8 septembre, le deuxième avec la nouvelle chanteuse qui a des cheveux bleus, et donc pour ça, bah, je valide. Parce que le bleu, c'est la vie. Voilà, ça c'est la base. Par contre, franchement, à chaque fois, je me fais avoir, parce que je ne suis pas un grand fan d'Arch Enemy, mais à chaque fois que j'écoute, musicalement, je dis « Ah, c'est pas mal, c'est pas mal ». D'un seul coup, elle commence à chanter, parce que j'ai du mal avec le chant féminin, le growl féminin de ce niveau-là, parce que c'est plus du growl que du chant, et... Et du coup, leur premier single qui a fait je ne sais plus combien de millions de vues sur YouTube, autant j'aime bien tout ce qui est la partie couplée, autant la partie refrain m'ennuie profondément. Donc, le peu que j'ai écouté de l'album, ça ne m'a pas emballé. Pareil. Très bien. Pour ma part, il y a le nouvel album de 36 Crazy Fist ou 36 Crazy Fist, qui est un groupe d'un peu de metalcore que j'aime beaucoup depuis plusieurs années. Donc, je suis très content qu'ils sortent un nouvel album. J'ai pas écouté parce que, comme toi, je suis un sale con. Quand il aime beaucoup un groupe, il va pas écouter quand il y a un nouvel album. C'est marrant. Hein. Ouais. Les Foo Fighters ont sorti leur nouvel album Concrete Angle. Alors, bien sûr, Hellfest, Foo Fighters, il paraît que ça va pas ensemble. Pff, nous, on s'en bat les couilles. Foo Fighters est un groupe qu'on respecte, Bob comme moi, pour tout à fait. Un milliard de raisons, à savoir, la principale étant Dave Grohl. Voilà. Je veux dire, faut arrêter à un moment donné Dave Grohl, quoi, c'est tout. Le mec est tellement juste. Tu peux rien, ouais. Voilà. C'est Dave Grohl. Tu peux pas lui reprocher quoi que ce soit, ce mec-là. Le mec est de base cool. En même plus... l'Emile disait qu'il avait tout compris au rock'n'roll. Ah ouais, mais non, Dave Grohl, il disait. Et donc, du coup, j'ai écouté l'album parce que le single que j'avais entendu, dont le clip c'est des petits vieux dans une maison de retraite, m'avait beaucoup plu. Et en fait, l'album m'a pas beaucoup plu. Enfin. Je dirais pas du tout que c'est mauvais, mais en fait, je pense, le single indiquait une certaine orientation musicale qui, pour moi, n'est pas celle de l'album. Et du coup, j'ai été surpris et j'ai beaucoup moins accroché parce que je trouve que l'album a un petit côté rétro qui n'est pas forcément désagréable, mais moi, ça ne m'a pas emballé sur le moment. Donc, je réécouterai pour avoir un avis un peu plus profond, mais voilà, je n'ai pas super adoré cet album. Pour dire, j'ai jusqu'à été, moi, revendre un album de Foo Fighters. Pourquoi ? Parce qu'il ne m'avait pas plu. Ah oui, d'accord. Ouais, parce que je n'avais pas accroché du tout et... Et ce dernier album, sinon, tu n'as pas jeté d'oreille? Je l'ai écouté un peu. Ah, je alors l'ai écouté un peu. Bah après, je dirais pas que je suis fan de Foo Fighters. J'adore Foo Fighters, c'est différent. Mais je crois avoir à peu près tous les albums. Sauf celui que t'as vendu. Sauf celui que j'ai vendu et le dernier. Non, je connais depuis le début, forcément, hein, avec Foo Fighters, hein, l'album bien connu. Et ouais, non, je suis. J'essaye de suivre au max. Et moi, tout ce qu'ils font me plaît pas forcément. Mais t'intéresse. Mais m'intéresse quand même, parce qu'il y a une démarche plus ou moins mélodique, plus ou moins très rock'n'roll. Voilà. Ils font des petits trucs bien sympathiques, comme je sais pas si tu connais White Limo. Oui, qu'il avait fait avec, avec Lemmy. Ouais. Qui, voilà, qui sont des petits apartheids avec Queen of the Stone Age aussi. Ouais, il a joué sur Song for a Death. Enfin, après, voilà, c'est un mec qui, voilà, qui est très multicarte. Il est batteur, guitariste, chanteur, il fait beaucoup de choses. Et il joue même, il finit même ses concerts à la jambe cassée. Je trouve ça très honorable pour les fans. Et je trouve que ce mec, ouais, comme disait Lemmy, a tout compris au rock'n'roll et fait en sorte de plaire à son public avant tout et de se faire plaisir, je pense, pour ma part aussi, ce qui est pas mal. Et tout n'est pas bon à prendre, mais la plupart du temps, je suis assez, j'accroche plus. Et voilà, du coup, le peu que t'as entendu de ce dernier album, bah, c'est ce que je dis, tout ne m'a pas forcément plu, mais certains morceaux me plaisent bien. Et du coup, je lâche pas. Est-ce que tu es d'accord avec le petit côté rétro que j'ai annoncé ou... Ouais, assez, ouais. D'accord, parce que j'avais des fois. Bon bah écoute, voilà pour ça, et il reste un album dont je voulais un peu plus parler, parce que je l'ai écouté deux fois. Parce que eux, je les attendais au tournant. T'es un ouf, toi. Eux, c'est un groupe, donc j'ai craché dessus déjà, alors que tout le monde les a encensés au Hellfest, ils sont venus jouer cette année, à savoir Prophet of Rage, avec l'album Prophet of Rage. J'ai essayé de les... J'avais dit, ce groupe, j'irais jusqu'à l'écoute de l'album pour voir s'ils étaient légitimes ou pas. Et franchement, après avoir écouté l'album, bah non, moi je dis non. J'écouterai. J'ai pas accroché. Autant j'ai retrouvé des éléments de Rage Against the Machine qui m'ont bien plu, autant ça marche pas. Ce que j'avais aimé avec Rage Against the Machine ou dans les autres moutures qu'il y a pu avoir. Traf, tiens, je m'étais dit qu'il fallait que j'ai absolument. C'est quoi le groupe qu'ils avaient fait avec c'est Chris Cornell hein Aide-moi. Audioslave. Voilà, avec Audioslave, tu retrouvais des éléments de groupe, mais pas de Rage Against the Machine. C'était vraiment différent, je trouvais. Ouais. Que t'avais vraiment, ils avaient une vraie âme de groupe. Les différents trucs solo. Ouais, c'était pas que du Soundgarden ou du Rage Against the Machine. Voilà. Les différents projets solo de Tom Morello, à chaque fois, tu reconnaissais son, mais t'avais un truc différent. Là, depuis le début, je trouve que Prophet of Rage, c'est un sous Rage Against the Machine. Et dans l'album, il y a 2-3 chansons qui tirent leur épingle du jeu en faisant penser à Rage Against the Machine. Et le reste, ça n'a, selon moi, aucun intérêt. C'est un groupe qui, bah, que j'ai l'impression qu'il surfe sur une vague de nostalgie, mais c'est, enfin, j'écoute pas un vrai groupe pour moi. Ce que j'ai entendu m'a pas... je veux dire, soyons totalement honnêtes, c'est pas désagréable. Je dis pas quand je me suis fait chier à l'écoute, non. Mais si on va un petit peu plus loin, il n'y a pas justement le côté... Audioslave pouvait totalement être légitime parce que ça avait une âme, ça avait une vraie âme. C'était un groupe à part entière. Voilà, il y avait un vrai truc. Tu voyais bien que bah, je sais pas, c'était lié à Chris Cornell ou que, mais ça reprenait quand même trois membres, les mêmes trois membres de Rage Against the Machine. Donc c'est la même base, on va dire. Aujourd'hui, enfin pour moi, ça marche pas et l'album ne m'a pas du tout convaincu. J'ai l'impression que ça a été fait super rapidement pour des morceaux. Genre il y a un morceau qui s'appelle Legalize Me. Bon, je me demande bien qu'est-ce qu'ils peuvent vouloir légaliser. Prostitution. Mais franchement, c'est ok, ouais, le groupe fonctionne, ça marche, ça va remplir des stades, les gens vont adorer. Mais voilà, moi, j'adhère pas. C'est pas du tout. Je vais pas dire que j'ai été déçu. Ça va dans la continuité. Ils ont juste pas réussi à me convaincre moi. Mais mon avis importe peu. Voilà. Je pense que oui, ça va marcher forcément. C'est obligé que ça marche. Ben déjà, il y a qu'à voir les avis du Hellfest, tout le monde a adoré la prestation, alors que moi, j'ai pas du tout aimé. Parce apparemment, d'après ce que j'ai lu, Ben était un petit peu sceptique sur tout ça, et quand il a vu les gens, il n'était pas trop hip-hop et tout ça, et quand il a vu les gens, la réception du public par rapport au concert en lui-même a été agréablement surpris de voir que... Mais en même temps, tu regardes ça avec précis quand il passe n'importe où, que ce soit dans un festival... Oui, passe de tout, de la pop, du... Voilà, et à chaque fois, c'est vrai que même le métal est assez, assez proche, on va dire, ce genre de hip-hop. Oui, quoi. Ça peut arriver, Donc voilà, quand on avait fait... Enfin, il y a énormément de groupes qui... Bah, Limp Bizkit. Limp Bizkit, voilà. Non, mais je veux... Non, mais c'est vraiment... Je pense pas que ce soit mauvais. Mais après, je comprends ce que tu veux dire. Oui, le côté nostalgique de Rage Against the Machine, c'est comme un Rage Against the Machine réchauffé, quoi. Et du coup, ça, c'est pas comme si... Il y avait une réelle création du groupe Prophet of Rage qui allait refaire quelque chose de nouveau. Bah, moi, c'est ça que j'attendais vraiment. Ouais. Tu vois, et en fait. C'est un truc innovant et plus que Rage Against the Machine. Quoi. Et voilà, et j'ai vraiment juste l'impression. Zack de la Roca, ça reste quand même Rage Against the Machine. C'est enfin, ça. C'est l'âme de Rage Against the Machine. Et si tu veux, les morceaux qui s'éloignent un peu de ça, bah, ils sont pas. Enfin, moi, m'ont pas intéressé. Quoi. Donc, ouais. L'album m'a pas convaincu. Ouais, j'écouterai pour voir, mais c'est vrai que. Donc voilà pour les sorties d'albums, parce qu'il y en a d'autres qu'on aurait pu faire, mais ça aurait pris déjà trois plombes. Donc Stupéflip aussi. Ils ont sorti un album Ouais, dans le courant de l'année. Ah non, mais dans l'année, je me suis arrêté. Il y a quelques... Je me suis arrêté à août. Hein. Moi, je crois. À août. Ah non, je crois que c'était après août. Hein. Ah bon Attends. Je ne sais plus. Mais oui, ouais. Voilà. Bah, j'ai pas vu en tout cas. Sinon, alors, on va parler juste vite fait des ventes. Alors, il y a les albums physiques ou le mélange digital et physique. Tu veux quoi? Bah moi forcément physique hein. Alors pour les albums physiques, en premier, alors c'est le top 200 d'albums. Alors j'ai retrouvé sur le site de Rockhard, hein, je cite mes sources. Je m'en fous. Dans le top 200 des albums physiques, alors en premier dans le style metal mais 39e sur les 200, Prophet of Rage. En deuxième, les Queen of the Stone Age dont j'ai pas parlé effectivement qu'on sortait un nouvel album. En fait, j'en ai pas parlé tout simplement parce que le peu que j'ai entendu m'a vraiment pas plu. C'est rare que ça me fasse cet effet-là, mais le peu que j'ai entendu m'a laissé totalement en dehors de... Voilà. Ça m'est arrivé plusieurs fois, en plus, en écoutant Spotify, de finir d'écouter un album et d'être... justement, d'avoir un truc qui s'enchaîne, et c'était Queen of the Stone Age, un nouvel album, et à chaque fois, je me suis arrêté pour regarder qui c'était, et à chaque fois, j'ai fait « Waouh !» Ça m'a vraiment pas plu, cet album. Ouais. Ils se sont perdus, enfin, il y a un moment, Queen. Oui, c'est vrai, il y a un moment. Après Song for a Deaf... Bah, pas pour tout le monde, mais ouais, Lullaby, tout ça, ça m'a un peu pas plu non plus. Ah, Lullaby, c'est au Paradise, si, à la rigueur, c'est vraiment la limite, quoi, c'est l'album... Entre deux, quoi, c'est... Pas ils... de la, comment on dit, l'album... La maturité, mais ouais. L'album de la transition. Voilà, de la transition, c'est ça. Ouais. Donc, en troisième, et placé 52e, les Foo Fighters, c'est le nom de l'album. En quatrième, l'album que personne n'avait envie de voir, je pense... Enfin, non, que je n'avais surtout pas envie de voir, parce que ça me semble un peu trop tôt, mais... Motorhead avec l'album des covers. Ils ont sorti un album de covers, ouais. Je trouve que c'est encore un peu tôt. Après, bah, on arrive sur des. Ils sont pas obligés. Hein. Après, on arrive sur le groupe Black Country Communion que je ne connais pas. Après, on passe sur Linkin Park. Et oui, mais ça c'est normal parce que. Et après, oui. Pearl Jam. Et oui, ça arrive toujours. Arch Enemy. Cradle of Filth en 9e. Et en 10e, Rammstein. Rammstein Paris. Voilà. Pour maintenant, si on fait les 6 premiers en termes de fusionner vente physique et digitale, nous avons en premier Prophet of Rage, en deuxième Foo Fighters, en troisième Queen of the Stone Age, en cinquième Linkin Park et en sixième Motorhead. Si on fait un petit tour rapide vers... ah merde, il y a un autre groupe que j'ai oublié de citer dans les trucs... Ah merde. Je vais en parler vite. Tu sais, s'il y avait un autre groupe... Bah, d'ailleurs, je voulais ton avis là-dessus, donc on va terminer là-dessus, parce qu'en fait, finalement, les ventes, est-ce que c'est intéressant? J'ai pas l'impression quand je le dis à haute voix, donc ça me saoule. Je m'auto-soule. Acme a sorti son nouvel album. Ah, j'ai vu ça, oui, dans... As-tu écouté un peu de Acme? Pas du tout. Jamais de la vie? Peut-être dans les Rock Sound. Ouais. Mais là... Oh, ça remonte alors. On n'est pas tout jeune. Non plus. Et non, Acme, franchement, c'est un peu comme le Enhancer. Oh non, non, non. Non, ouais, non, je compare pas les deux groupes. Tu veux dire Clémo, machin et tout ça. Oui, voilà. Mais c'est des groupes, moi, qui je j'arrive pas, je ne sais pas. Après, voilà, c'est je me suis arrêté à Contradiction, moi. Hein, de Massisteria. De Massisteria. Que t'es un très bon album. Mais oui, c'est pour ça. Mais non, c'est... Mais oui, j'ai... Non, Acme, non. Enfin, en tout cas, si on regarde je reviens. Moi, j'ai connu Acme avec Pornographie, et j'avais vraiment bien aimé l'album. Je trouvais que, parce que pour du chant en français, ce que je trouve quand même un exercice extrêmement compliqué. C'est clair. Je trouvais que ça marchait bien, parce que quand même, tu prends le risque directement que les gens comprennent ce que tu dis. Ouh. Ça, c'est compliqué dans le métal, je trouve. En France, bien sûr. En France, tout à fait. Et le peu que j'ai écouté du dernier album est plutôt tout à fait correct, je trouve. Donc, je te conseillerais plutôt d'écouter vite fait. Ouais, enfin, moi, ça marche pour moi. J'aime bien. D'accord. J'aime bien. Je n'irai pas jusqu'à dire c'est... C'est l'album de l'année. Non, mais je dis ça marche. D'accord. Par contre, c'est vrai que si on tient compte vite fait, alors, parce que même si ça n'a pas trop d'intérêt, les 5 meilleures ventes étant quand même Prophet of Rage, Foo Fighters, Queen of the Stone Age et Linkin Park, que nous n'écouterons pas parce qu'on n'a pas de raison de se donner plus de douleur dans la vie. C'est ça. C'est vrai que ça mérite plus des coups de Prophet of Rage, Foot Fighter et au moins Queen of the Stone Age parce que peut-être que s'il est troisième, il y a peut-être une raison. Oui, j'ai eu du mal à le dire. J'ai eu grandement du mal. Là, c'est comme le planète Arium, c'est la même chose. Je souffre d'une grave maladie qui m'empêche de dire le T dans le planète Arium. Ah ouais, t'arrives pas à le dire. Bon. Bah écoute, je pense qu'on a fait un petit tour rapide. Est-ce que tu as. Ah bah non, mais ton top 5, putain, j'allais l'oublier. Ah bah alors, ton top 5 de Bobby. Ce sera mon top 4. Pour préciser, j'ai un chargeur 5 CD voilà. dans mon véhicule personnel. C'est ça. Et tu achètes souvent des CD. Dans mon automobile. Et oui, je suis un acheteur physique d'albums, et non pas digital. Contrairement à moi qui écoute beaucoup de musique en digital. Voilà, c'est pour ça qu'on se complète. Et qu'on a viré Joe du coup, parce qu'il n'écoutait pas de musique. Oui, c'était un pauvre type. C'est qu'un coup de du Metallica. Bah exactement. Oh, il a raison. Donc voilà, j'ai un chargeur 5 CD dans le véhicule. Et en début de semaine, je m'amuse toujours à choisir 5 CD que je vais écouter durant la semaine. Et cette semaine, il se trouve que... Quel est-il ? Moi, j'ai un chargeur 1 CD, c'est le dernier album d'Ed Charger. Mes copains de camp. Bang, bang, représente la famille. Oui, bah c'est bon, t'arrêtes. Parce que monsieur finit ses soirées en me lâchant comme une vieille. Ah, et donc, c'est maintenant qu'on règle les trucs. Je plaisante. Et non, donc oui, alors cette semaine, bah, le hasard fait que j'ai voulu réécouter Ice You de Korn. D'accord. Et en même temps, derrière, j'ai Life is Peachy. Ah mince, T'as mis deux albums de Korn. Mais en fait, je ne l'ai pas choisi en début de semaine, j'ai choisi en milieu de semaine. Du coup, je me suis dit, je vais prendre celui-là en début de semaine et celui-là en milieu de semaine. Donc du coup, je me retrouve avec deux albums de Korn dans le chargeur. Le dernier Metallica. Et donc, ces albums de Korn, alors, qu'est-ce que tu pourrais en dire quelque chose ? Alors, j'ai du mal avec Ice You. Ah bon ? Bah, il est bien au début. Voilà. Mais je sais pas, t'as toujours pas écouté le dernier album à part ce que je t'ai fait écouter vite fait. J'ai écouté vite fait, ouais, vraiment ouais. Sur internet quoi. Mais j'ai bien aimé, mais après c'est vrai qu'il faut que j'approfondisse plus. C'est vrai que moi l'écoute d'un album se fait plus de la première à la dixième et pas aléatoirement. Je comprends. Et non, après il faudrait que je finisse vraiment par l'écouter. Mais ouais, non, ICU, j'ai vraiment du mal. Autant Life is Peachy, j'aime bien le... Bah justement, il y a des côtés un peu hip-hop aussi dans cet album-là, qui sont pas dégueulasses. Oui, non, ça passe. Qui sont très bien. Mais ouais, dans ICU, je sais pas, il y a un truc qui... Je sais pas, des sons, ils ont un peu plus joué avec le son, avec les différents... Ouais, c'était un album d'après un gros succès, donc... voilà. C'était compliqué, je pense, pour eux. Oui, et du coup, ce fut compliqué pour moi. Voilà. Mais je me suis forcé à le réécouter et à chaque fois je me dis que je sais pas, il y a un truc qui va pas. Fait, c'est parce qu'il y a des morceaux qui sont vraiment, je trouve, excellents, qui sortent, comme Make Me Bad et tout ça, qui sortent du lot. Oui, voilà. Et après, entre deux, les autres morceaux par contre font un peu remplissage. Donc, C'est ça. Okay. C'est peut-être un petit peu ça que j'ai vu aussi. Ouais. Mais voilà, donc j'ai celui-là, j'ai le premier CD donc, du double album de Metallica. Ouais, Hardwire to Self Destroy. Très très bon, hein. Très très bon. non, c'est vrai, très très bon. Ah, mais c'est vachement agréable pour partir au taf le matin. Ah bah. Pff. Mais ça te file la banane, quoi, c'est génial. Et quand tu rentres du taf aussi, que tu fais la gueule en rentrant du taf. Alors que du coup. Putain de journée. Ouais, donc voilà. Ça, c'est pour le côté plus la choper. Voilà. Et très très cool. Et donc, sinon, qu'est-ce que je t'avais. Je te l'ai pas dit. Non. Je me le suis dit à moi-même. Voilà. Est-ce que tu n'as mis que 4 CD du coup ? J'ai mis 4 CD et je l'avais ne l'ai plus. Merde, voilà, il a niqué là. Donc j'ai niqué ma... T'avais que 4, donc déjà t'as 4 CD sur les 5 CD à Bobby. Voilà. Et le 4ème... J'avais prévenu tout à l'heure, j'ai dit non, j'en ai 4. C'est pas grave, j'ai une... On va pallier à tout ça, d'accord. Donc tu t'en souviens pas ? Bah là, comme ça. C'est mouru, d'accord. Il se trouve qu'au moment des vacances, Bob m'a demandé... parce que Bob, en fait, n'a jamais trop écouté Slayer. C'est vrai. Donc, il m'a demandé de lui prêter le peu de CD que j'avais, ce que j'ai fait. Et donc, du coup, maintenant, qu'est-ce que tu en penses de Slayer ? Pour ma part... D'avoir une... On avait dit qu'on dirait ça. Hey, c'est quoi nos groupes pour la prochaine édition du Hellfest ? Et on ne l'a pas du tout fait. Nos pronostics, tu veux dire ? Ouais. Ouais, eh ben... Non, mais il y aura Slayer, déjà. Ah bah attends, ça se trouve, ils se font t'imagines ? Slayer et Terror. Voilà, je piffe ces deux groupes. Ça va, et peut-être Korn. Ouais, bah ça serait cohérent, là. Ouais. Non, bah pour ma part, non, parce que j'aimerais... Enfin, après, on va pas partir là-dessus. Non, alors, donc, Slayer, bah tant pis, Slayer, les pronostics, on les fera Slayer, une prochaine Slayer, fois. Slayer, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Ouais. Disons... C'était quoi que j'avais écouté Rain in Blood. Ouais. Et puis. Cet album-là, et l'autre, c'était. Bloodline, je crois. Ouais, ça doit être ça. Le deuxième, je crois. Non, c'est pas le deuxième. Non, avec le cadavre, là, moitié. Ouais, non, mais c'était pas du tout le deuxième. Enfin, je suis pas un fan de Slayer. J'aime bien, mais pour moi, c'est ultra répétitif, quoi. C'est un petit peu ce que je pense, ouais. T'as l'impression que du premier morceau. Peut-être pas sur tous les albums. Après, sur les deux albums que j'ai écoutés, mais Rain in Blood, quoi, c'est. T'as l'impression, en fait, qu'il y a un riff d'intro et après, toujours fait. Voilà, c'est ça. Voilà, et la batterie, enfin, bon, en tant que batteur. C'est plus ou moins batteur. Ouais. Anciennement batteur. Plus ou moins batteur. J'écoute forcément la batterie, et, mais c'est atroce, quoi. Enfin, pour ma part, je trouve ça. C'est la même chose. Tout le temps. Ça change un moment ? Oui, ça change. Oui, il y a une double pédale de temps. Voilà. Mais ouais, des cymbales de temps en temps. Mais non, c'est, enfin, c'est, je dirais pas que c'est une. Je dirais pas jusqu'à dire que c'est une torture. Ça va, vous savez pas qui je suis physiquement, donc je vais pas me faire lyncher. Non. Mais... Alors, parce qu'on touche pas à Slayer, c'est pas mignon. C'est bien. Non, je sais pas. Je ne dirais rien de négatif, mais pour ma part. J'ai pas aimé. Je suis pas un fan de Slayer. Non, alors. Définitivement. Moi, ce que j'en dirais, c'est que il y a beaucoup de morceaux que j'ai aimés parce que je trouve qu'ils ont un certain groove et tout ça, mais je rejoins Bob sur un moment donné, tu dis, mais à un moment donné, ça repart comme ça et ça s'arrête pas, quoi. Et c'est un peu le sentiment que j'ai eu quand je les ai vus justement au Hellfest cette année. Je suis venu voir le début du concert et j'arrivais même pas à reconnaître les morceaux tellement c'était en mitraillette, quoi. Donc mais en même temps, le dernier album est complètement passé à côté. Je suis passé à côté de lui, j'ai écouté parce qu'à chaque fois j'arrivais pas à voir le truc qui se démarquait. Voilà. Donc ça, c'était pour le petit avis Slayer, vu que t'es incapable de retrouver ton quatrième CD. Voilà, c'est pas grave. Sinon, moi, je tenais à dire, dans les sorties des CD qui n'est pas encore arrivé mais qui va arriver le 20 octobre, le nouvel album de Trivium, il y a deux singles qui sont sortis. Je suis méga fan des deux CD. Ça fait partie d'un groupe que je pourrais aller voir en région parisienne tellement j'ai envie de... Voilà. Étonnamment, alors que je sais que le mec, en live, il n'arrive pas à chanter. Je sais bien, je l'ai vu au download l'année dernière, il y a un problème, au bout d'un moment, il n'y arrive plus, mais c'est pas grave. Musicalement, je suis tellement fan que voilà. J'ai adoré les deux morceaux que j'ai entendus, j'ai très très hâte de ce nouvel album, parce que... Alors, je vais juste expliquer les contextes. C'est un mec que je suis sur les différents réseaux sociaux. J'en ai déjà parlé avec toi, Bob, je crois, une fois, ouais. En fait... Les trois quarts des métalleux, quand tu les suis, c'est des mecs, tu les vois, ils s'éclatent, ils sont en famille, ils sont en train de faire la fête, ou tu les vois enregistrer. Matt Ify, quand tu le suis sur ses réseaux sociaux, soit il est en train de bouffer dans des super restaurants, soit il est en train de faire du karaté, bushido, MMA, machin, soit il fait du jeu vidéo à PUBG en stream alors qu'il est sponsorisé, et tu t'y attends pas, et d'un seul coup, tu le vois faire tout ça, et d'un coup, pof, il y a des morceaux qui sortent, disant « Hey, il y a un album qui sort dans un mois », et tu dis « Mais quand est-ce que t'as fait ça ?» Le mec, à aucun moment, il est en train genre, de faire le côté cool des rockstars, de s'éclater dans une piscine avec de la bière ou d'être en studio, machin. Tu le vois jamais. Ça pop comme ça sans prévenir. Voilà. Bon, bref. Moi, je trouve ça stylé dans l'idée et que j'ai adoré vraiment ces deux singles et j'ai très hâte d'écouter cet album, sachant que pour une fois, le batteur a l'air de rester un peu plus longtemps que les autres. Voilà, c'est pour la blague de ceux qui connaissent Trivium. Bah écoute. Spinal Tap ou Trivium ? Non, mais parce que c'est vraiment... Trivium, c'est leur grande marque de fabrique. Ils changent de batteur quasiment tous les 6 mois. Donc, comme Spinal Tap. Ouais. Non, c'est bon. D'accord. J'ai ouais, dit qu'est-ce qu'il y a ? J'ai rien dit. T'as quelque chose contre Spinal Tap ? Pas du tout. Je trouve que c'est un très bon film. un très bon groupe. Ah, bon, on parle de musique. Je sais pas. Bah, Spinal Tap, c'est un groupe de... Ah, mais je sais, oh la vache. De... Bossa Nova. Alors, donc du coup, voilà. Donc, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? On parlait de pronostic, vite fait. Vite fait, tu sais que ça fait déjà quand même 1h03 qu'on enregistre. 1h03 Ouais. C'est un petit retour, on avait dit. Ah ouais, on avait dit un petit retour. Bon, bah vas-y, on se tape 5 groupes de pronostics. 5 groupes de pronostics ? Ouais. En sachant large. Alors, est-ce qu'on fait quoi ? On fait les scènes ou... Oh bah non, bah si on fait les scènes, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Non, pour ma part, je souhaiterais. Ah, voilà. C'est bien. Je souhaiterais pour ma part House of Broken Promise que j'ai vu. Je connais pas. Il y a. Je ne sais plus combien de temps d'ailleurs. D'accord. 2015, je crois. Non, 2014. Je souhaiterais aussi Sasquatch, qui tourne ensemble. Ils tournent d'ailleurs ensemble en ce moment. D'accord. Donc ce serait possible, ouais, c'est possible. C'est possible. Groupe de Valais. De la Valais. De la Valais. Parce que si je souhaiterais revoir Mastodon. Parce que bon, ils ont sorti deux albums. J'ai apprécié leur prestation. C'est possible. C'est possible. On est quand même très sous la vallée là. D'accord. Ma scène, c'est la vallée. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en groupe éventuellement de punk? Ah, peut-être NoFX, mais ça c'est totalement différent. Oui, là c'est vraiment un groupe que j'ai jamais vu, c'est pour ça. Que d'accord. Que j'ai loupé parce qu'ils avaient changé de verre en plus. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en gros groupe que j'aimerais voir? Non, j'ai pas plus d'idées que ça. La prochaine fois. Donc d'accord, t'es encore sur un 4 sur 5. Ouais, parce très que bien. Là, ça va être mon truc. Je vais... Ouais, d'accord, mais t'as raison. Et on se confie, on est nous-mêmes. Peut-être même dû oublier carrément le 4ème. D'accord, bah c'est dommage. Ça aurait été raccord. Ouais, ça aurait été bien. Ah, c'est dommage. Du coup, bah moi, j'ai très envie de voir Trivium. Hein. Bah, c'est cohérent. Hein. Totalement. Sortie de l'album, machin. Je verrais bien un retour de Korn, qui a été présent 2 ans de suite et absent l'année dernière, alors qu'ils avaient le nouvel album. Donc, je trouverais ça assez logique qu'ils viennent cette année. Super prestation. Double les super. Les deux super prestations. Qu'est-ce que je verrais bien? Alors, je verrais bien Marilyn Manson pour se faire lyncher, cette fois. Ouais. Tu sais, genre qu'on puisse vraiment pour une fois dire « Connard !» Enfin, ouais. Voilà. Pauvre connard. Parce que franchement, la prestation de 2015, c'était 2015. Ah, j'ai adoré. Ah, ouais. C'est vraiment voilà, tu sens le mec sympa, ouais, proche alors, de son public. Alors je vais piffer un truc pour la blague. Oh putain. Alors pour la blague, je verrais bien Plémo, vu qu'ils sont en train de revenir et qu'ils font une tournée machin, tu sais, ça serait marrant de les voir revenir au Warzone. Pourquoi pas. Non, vraiment pour la blague. Alors plus sérieusement, qui d'autre je pourrais voir en... ou j'aurais envie de voir? Bah, j'aurais pu dire Machinad, mais comme on sait qu'ils feront pas de festival. Ah, si, je les verrais bien Plémo devant l'église de Clisson. C'est vrai que ça serait marrant. Samedi matin à 7h. Ouais, c'est vrai que ça pourrait bien passer. Non, je verrais bien Cadavar revenir. Oh, j'avais pas pensé à Cadavar. Ouais, je verrais bien Cadavar revenir. Ouais, mais ça fait vachement de vallée tout ça. Quand même. Et puis, qu'est-ce que j'avais dit dans les sorties qu'il y a eu qui pourrait. Ah, Dagoba. Ouais. Foo Fighters éventuellement. Non, ils ont dit qu'il n'y aurait pas Fighters. Non, ouais, je sais, je m'en fous, je suis le mec sérieux qu'au premier degré. Oh, rien à foutre. Donc je dirais. Non, et pour finir, pourquoi pas Acme, qui en tant que groupe français pourrait venir défendre un petit peu un matin. Donc, voilà. C'était quoi comme groupe qu'on avait vu, le North Star? Comment c'était? Ah, Fist of the North Star. Ouais, ouais, qui était très sympa. Ouais, on avait trouvé ça. Ouais. Ouais, on avait été venu par hasard, jeter un œil. Tu sais qu'on aurait dû préparer les pronostics. Ouais, tu crois? Bah, tu sais, avoir genre chacun, on a vraiment une vraie liste, parce que là, ça ressemble un peu, on pile des trucs. Bah, pourquoi pas en même temps. C'est le retour. Dans ce cas-là, le groupe de l'envie, j'aimerais bien voir 36 Crazy Fist, qui était un peu le groupe que j'aimerais bien voir depuis toujours. Voilà. Madsine, moi, la rigueur, c'est pareil. Quoi. Et alors, je vais faire un truc qui se fait complètement pas, mais j'ai écouté un podcast il y a pas très longtemps où le mec a dit non. Bon, on va arrêter parce que j'ai très envie de pisser. Je suis dans la même situation. Ça doit faire un quart d'heure que j'ai excessivement envie d'aller aux toilettes. Pareil. Donc, du coup. Eh bien, voilà, c'était le premier, c'était le retour. Voilà. Ça vaudra ce que ça vaudra. Exactement. De toute manière, hein, on va pas faire comme d'hab. On vous aime et on vous emmerde, bande de fous. Voilà, allez, des gros bisous. On va pas vous dire à la semaine prochaine parce qu'on va sait pas quand. Bah, non. On va pas, non, parce qu'il faut pas leur trop leur donner. Non, voilà, c'est ça. Faut... Le temps que je retrouve mes 5 CD et tout ça, voilà. Ça va mettre du temps. Surtout que du coup, on n'aura peut-être rien à dire. On vous retient au jus. Voilà. Ce sera plus simple. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Voilà, on ne poste jamais rien. Allez, des gros bisous et à bientôt. Bonsoir à tous. Bonsoir.